Histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Dans cette première émission, nous n'entrerons pas encore dans le vif du sujet, il nous faut d'abord débroussailler le terrain, donc besoin de certains préliminaires. D'abord, nous voudrons expliquer rapidement ce qu'est l'histoire économique, l'analyse du développement économique, et nous demander ce qui donne son intérêt, son importance à cette avenue de recherche. Ensuite, nous prendrons un moment pour situer le Canada que va découvrir, dit-on, Jacques Cartier en 1534. Le replacer dans son contexte, question d'établir certaines coordonnées essentielles à une bonne compréhension des origines et de l'histoire de l'économie canadienne. Enfin, nous prendrons un moment pour mettre le doigt sur certains caractères originaux de ce pays continental qu'est le Canada et pour souligner les perspectives divergentes qu'on entretient parmi les économistes et les historiens sur la nature de l'évolution de l'économie canadienne dans le temps. Ce tour d'horizon préliminaire va nous amener à formuler une hypothèse générale, une hypothèse à la fois ambitieuse et plausible, une hypothèse qui nous servira pour faire un arrangement préalable des objets de l'enquête et qui nous servira aussi de guide tout au long de ces 25 semaines. Mais avant d'entrer dans ces préliminaires, une clarification est nécessaire. Qu'est-ce que c'est qu'une socio-économie ? Qu'est-ce que c'est que cette réalité que nous allons vouloir suivre à la trace depuis 1600 jusqu'à 1980? Disons pour simplifier que nous entendons par là l'ensemble des règles, coutumes, mécanismes, organisations, institutions, par le truchement desquelles les Canadiens ont organisé la production, la consommation, la répartition des biens et des services nécessaires à leur vie matérielle. Ces arrangements ont été dans les débuts dans une Nouvelle-France qui a moins de 100 habitants, extrêmement rudimentaire. Pas besoin de monnaie, on échangeait directement travail contre nourriture. Pas besoin de règles complexes pour l'organisation du travail. Québec, en 1625, c'est à peu près une petite company town. Mais avec le temps et l'arrivée d'immigrants, un comptoir, une société économique plus élaborée, va se former sous la pression des circonstances. En 1760, il y a 70 000 personnes en Nouvelle-France. En 1850, on est au-delà du million de population au Canada. Il a fallu organiser la vie économique. Certaines institutions comme les banques sont apparues et d'autres arrangements comme le régime seigneurial utilisé pour la distribution et la gestion des terres ont eu le temps d'apparaître et de disparaître. On sait qu'aujourd'hui, des institutions nouvelles apparaissent à toutes les saisons. Récemment apparaissait au Canada un nouveau marché, le marché des contrats à terme sur les obligations gouvernementales. Mais ce n'est qu'un exemple. De façon continue, les règles du jeu économique au Canada comme dans toutes les socio-économies, eh bien ces règles évoluent, changent. Et ce que nous nous attacherons à comprendre dans cette série, c'est pourquoi certaines règles, certaines institutions sont apparues à un moment donné et pourquoi elles ont disparu. Pourquoi certaines institutions, les caisses d'entraide économique au Québec, par exemple, existent dans une portion du territoire canadien, au Québec, et pas ailleurs. La grande question qui va nous guider dans l'observation de l'architecture des institutions économiques canadiennes, c'est comment la socio-économie canadienne s'est-elle transformée et pourquoi ? Pourquoi elle s'est instituée, organisée de façon différente à divers moments du temps et dans divers segments de son espace ? À la fin du roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer, tous les gens du village sont sur le bord de la mer et voient par le squelette ramené par le vieillard que celui-ci a dû mener un combat féroce contre un très gros poisson qui l'a ramené de peine et de misère et que d'autres poissons prédateurs ont dévoré, mais tout en laissant des ossements. Donc vous avez à la fois l'objet, c'est-à-dire par une imagination créatrice qui est fondée, qui est liée directement à leur connaissance du monde et de la pêche, ils ont pu recréer ce qui s'est passé et en même temps vous avez la source, c'est-à-dire le squelette. Alors, je dirais qu'au fond, l'histoire économique, ce n'est pas un amusement intellectuel, bien que ça puisse être cela aussi, mais c'est une approche qui consiste à essayer de comprendre comment les hommes, et quand je dis les hommes, j'entends les sociétés, les groupes d'hommes organisés, se sont débrouillés à la fois avec la nature et dans les relations entre eux pour se survivre, se reproduire et construire des sociétés à travers des institutions qui font que ces sociétés se sont perpétuées, ont changé, se sont modifiées selon les différents environnements et selon leurs propres dynamiques internes. Je crois que l'économique est peut-être, de toute façon, disons objectivement, là, c'est certainement ce qui fait fonctionner les hommes. Il faut d'abord manger, vivre, et ce qui nous donne, on travaille 8 heures pour pouvoir pendant 16 autres heures dormir, bien sûr, être logé, nourri, vêtu et avoir des loisirs. C'est aussi, sur le plan de l'histoire, un des moyens privilégiés parce que les sociétés passées se sont construites en fonction des ressources naturelles qu'elles ont trouvées, des échanges qu'elles ont pu faire avec les autres sociétés, échanges qui n'étaient pas exclusivement économiques, mais qui étaient favorisés par l'économique. Donc, je dirais que l'économique est peut-être ce qui change le plus rapidement, l'élément le plus fluide dans une société et qui influence, tout en étant influencé lui-même, et qui influence les autres secteurs. Alors, je crois que statistiquement et en quelque sorte, peut-être empiriquement, on peut voir qu'en général, les changements économiques sont ceux qui se produisent le plus fréquemment et entraînent des conséquences sur les autres plans, que ce soit politique ou idéologique. Cette perception de l'histoire économique, c'est celle d'un historien, le professeur Jean-Pierre Wallot, du département d'histoire à l'Université de Montréal. Pour lui, la reconstruction rationnelle du passé est possible et l'éclairage économique, celui que nous avons adopté dans cette série, est un éclairage privilégié. Mais il reste qu'il faut reconstruire à partir de données fragmentaires, de débris de renseignements préservés de façon fort incomplète dans les archives. Peut-on vraiment jamais recréer des images exactes, fiables, des institutions économiques, du vécu économique dans le passé? Disons, des approximations, des rétroductions, puisqu'on parle de prédiction par rapport à l'avenir, on peut certainement parler de rétroduction par rapport au passé. Aujourd'hui, et depuis d'ailleurs un certain temps, on reconnaît beaucoup plus facilement que l'histoire, mais en particulier l'histoire économique, est une science inexacte. On était beaucoup plus près des certitudes autrefois, parce que c'était des certitudes rhétoriques. C'était un peu un genre littéraire où il suffisait de quelques statistiques pour faire de grandes prédictions, rétroductions plutôt, dans le cas présent, par rapport à l'évolution passée. Alors, l'histoire économique traditionnelle, c'est une histoire des faits économiques, comme on faisait l'histoire des faits sociaux, comme on faisait l'histoire des faits moraux. Tandis que je dirais que la grande briseuse par rapport à l'histoire économique moderne, bien qu'il y ait des aspects quantitatifs dont je pourrais parler un peu plus en détail et d'autres aspects, c'est qu'on est passé d'une description purement économique, mais dans le passé, à une tentative de vision globale de phénomènes très complexes qu'on pourrait appeler des phénomènes totaux ou globaux, comme par exemple l'urbanisation, c'est pas quelque chose de simple, on peut pas réduire ça à une seule discipline ou à une seule cause, ou l'industrialisation. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, justement, l'histoire économique ou l'économie historique tente à partir d'une approche économique à l'intérieur de, si vous voulez, du champ économique, de se réverbérer sur les autres champs et d'avoir une vue globale sur la société. Ça suppose donc déjà une espèce de modélisation de comment la société fonctionne, de voir comment, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qui fait qu'une société existe, qu'est-ce que c'est qui fait qu'elle se bâtit d'une façon à une place et d'une autre façon à un autre endroit. Donc, par la porte économique, si vous voulez, dans votre maison, à la maison du savoir du passé, on essaie de reconstruire cette maison passée dont on n'a que des débris et qu'il faut essayer de voir quelle devait être cette architecture. C'est la clé du code, si vous voulez, social ou du code sociétal de cette société passée. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé, que des morceaux sont tombés, d'autres murs ont été construits? On peut comprendre que les historiens, pour qui le chantier naturel, c'est le passé, se soit intéressé à faire une sorte d'archéologie des institutions économiques passées, pour le plaisir, pour comprendre. Mais les économistes aussi se sont adonnés aux mêmes activités, des économistes engagés, comme Pierre Harvey, de l'École des hautes études commerciales, économistes qui ont trouvé nécessaire ce retour à l'étude de l'histoire économique. Pour moi, une société, c'est un organisme vivant sur une trajectoire et on ne comprend pas un point de cette trajectoire si on n'a pas les autres points. Et l'histoire économique, pour moi, c'était une façon de comprendre ces autres points et de pouvoir placer la réflexion économique dans un contexte historique. Comment est-ce que, comme économiste, M. Harvey, vous endossez ce scaphandre pour descendre dans le passé, chercher les sources de ces institutions présentes? C'est une aventure dangereuse, bien sûr, parce que la discipline économique est une discipline qui est elle-même très contraignante, et la discipline historique l'est peut-être plus encore. Ce qui fait que on court le risque d'être ni bon économiste ni bon historien quand on essaie de pratiquer les deux domaines. Si bien que, pour moi, l'histoire économique est toujours ce que les historiens appelleraient un recours aux sources secondaires et bien rarement à aller, et même presque jamais, à aller travailler dans les sources primaires que sont les documents d'archives. Je pense que pour un économiste, l'histoire économique, ça consiste à puiser dans les historiens et à s'alimenter à même des historiens pour donner de la chair au squelette que constitue la réflexion économique. Mais c'est une réflexion, je dirais, au deuxième degré, appuyée sur ce que les historiens ont fait pour essayer d'interpréter. Mais je ne pense pas qu'à moins d'avoir une formation bien particulière et être particulièrement doué, on puisse en même temps pratiquer à fond les deux domaines. Il faut se décider. Un de ceux qui ne s'est pas décidé, justement, un de ceux qui, tout économiste qu'il est allé dans les archives, quelqu'un donc qui a une vue privilégiée de ce qu'est l'histoire économique, c'est le professeur Alfred Dubuc de l'Université du Québec à Montréal. Il nous explique pourquoi il y a eu dans l'après-guerre un renouveau d'intérêt pour l'histoire économique chez les économistes. Un intérêt qui ne s'est pas partout maintenu, mais qui reprend force. Il y a eu, disons, il y a 30 ou 40 ans, disons dans les années 50 en particulier, il y a eu une grande interrogation sur, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et au moment de la fondation des Nations unies, etc., une grande interrogation sur le développement des sociétés, le développement économique. Il y a des sociétés qui demeurent non développées, on les a appelées sous-développées, et il y en a d'autres qui se développent. Alors on s'est beaucoup interrogé pour savoir comment est-ce qu'une société se développe. Peut-être qu'on est mal parti au départ en se disant, eh bien, les sociétés aujourd'hui sous-développées vont se développer comme les vieilles sociétés d'autrefois se sont développées. Et cherchons dans l'histoire les modèles que nous aurons à suivre pour permettre aux sociétés aujourd'hui moins développées de connaître un certain développement. C'était un faux départ, je pense, parce que les problèmes que doivent rencontrer les sociétés d'aujourd'hui pour se développer ne sont pas les mêmes problèmes, ne serait-ce que sur le plan purement technologique, disons, que les mêmes problèmes que devaient affronter les sociétés qui se développaient il y a 200 ans. Mais tout ça explique l'intérêt que les économistes ont porté à l'histoire. Est-ce qu'ils en ont porté plus que les sociologues? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont fait beaucoup plus tôt. Et il y a eu, à l'intérieur de la science économique, chez les économistes, des débats sur à propos de la théorie du développement et qui ont inspiré des recherches de nature historique et effectivement qui expliquent cette importance qui a été donnée, et j'emploie le passé, parce qu'il m'apparaît qu'aujourd'hui, les départements d'économie attachent moins d'importance à la démarche historique qu'ils ne le faisaient auparavant. Ce qui fait que certains historiens, comme moi par exemple, qui avions travaillé dans un département d'économie, se sont à certains moments sentis mal à l'aise et ont préféré aller travailler avec des historiens. Thank you. Pour comprendre les débuts, les commencements de la socio-économie canadienne, il faut revenir en arrière, au XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est le siècle qui voit la grande expansion européenne et l'avènement d'une économie mondiale qui a son pivot en Europe. Avant d'essayer de comprendre quelles forces ont poussé les Européens à explorer, à coloniser l'Atlantique, alors que les Chinois, tout aussi avancés que les Européens au plan de la civilisation, ne tenteront pas d'explorer le Pacifique, essayons avec le professeur Frédéric Moreau de Paris-Nanterre, un spécialiste des aspects économiques du XVIe siècle européen, de voir l'ordre des difficultés. Quand on arrive vers le XVIe siècle, il y a des changements quantitatifs assez considérables qui peuvent faire penser que nous sommes entrés vraiment dans une nouvelle ère. Et ces changements quantitatifs correspondent aussi à des changements qualitatifs. Je prends le cas, par exemple, de l'aspect géographique. L'expansion, c'est le changement de Méditerranée. En effet, la civilisation s'est développée autour de Méditerranée. Et nous en connaissons une qui a été fondamentale pour notre civilisation occidentale, c'est ce qu'on appelle la Méditerranée avec un grand M. Or, on pourrait dire que la première expansion dont je parle, c'est le passage de cette Méditerranée-là à la Méditerranée atlantique. Et du point de vue de la géographie, et je dirais presque de la géométrie de l'humanité occidentale, c'est un changement quantitatif et par conséquent qualitatif important. Et ce changement, nous allons le retrouver quand les Européens se retrouveront dans le Pacifique. Je rappelle ici une espèce d'échelle logarithmique que nous a donnée Pierre Chaunu dans un de ses ouvrages. Il nous dit que les difficultés quand on passe de la Méditerranée à l'Atlantique sont multipliées par 10, que les distances réelles sont multipliées par 10, que les coûts sont multipliés par 10, tout est multiplié par 10. Et quand on passe de la Méditerranée Atlantique à la Méditerranée Pacifique, le Pacifique, cette Méditerranée de l'avenir, disaient encore des spécialistes du Pacifique au début du XXe siècle, eh bien, les difficultés sont encore multipliées par 10, c'est-à-dire qu'elles sont 100 fois plus importantes que dans la Méditerranée latine et nord-africaine. Par exemple, un homme qui traverse la Méditerranée ancienne a 100 fois moins de chances de périr qu'un homme qui traverse le Pacifique à la même époque. Donc, il y a là déjà une morphologie des espaces, une géométrie des espaces océaniques qui est très importante. Et cette Méditerranée, c'est très important dans une période qui est, au point de vue des techniques de communication, essentiellement la période de la voile, la période du vent. En effet, le navire à voile a marqué de sa présence toute cette période de la première expansion. On peut dire que la disparition du navire à voile, c'est aussi la fin de la première expansion. Les coûts d'une expansion chinoise dans le Pacifique auraient donc été considérablement plus élevés que ceux qu'avaient à encourir les Européens dans l'Atlantique. Un rapport de 10 à 1 dans les risques, dans les coûts. Mais il y a aussi des raisons internes aux deux civilisations pour expliquer la différence de stratégie. Ainsi que l'a expliqué Emmanuel Wallerstein et avant lui Pierre Chaunu, une Chine dont la base agricole est la culture du riz, une culture qui réclame peu de terres et beaucoup de main-d'œuvre, va moins ressentir la pression démographique que l'Europe dont la base agricole est la culture du grain et l'élevage du bétail, des activités qui réclament de plus en plus d'espace. On a pu dire que, alors que la Chine manquait de bras, l'Europe manquait d'espace. Mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi c'est le Portugal qui va le premier faire les premières percées dans l'Atlantique? Un État fort, un État petit, un État bien organisé, un État où les fils de la noblesse et de la bourgeoisie ne vont plus trouver la terre sur laquelle bâtir leur statut et leur richesse. Mais c'est aussi le pays géographiquement le mieux placé. Les Ibériques vont donc être les premiers. L'Espagne et le Portugal sont les pays qui sont les plus à l'ouest Et ce sont eux aussi qui sont les plus proches de ces îles de l'Atlantique qui ont été les premières escales de la grande navigation atlantique. Tout donc peut faire croire que ce sont ces raisons qui ont poussé les Ibériques à être les premiers grands navigateurs et à être les premiers à découvrir ces pays. Et je pense que c'est exact dans une large mesure. Il faut bien reconnaître que sans être, disons, astreint à un déterminisme géographique étroit et contraignant, un certain nombre d'atouts étaient entre les mains des Espagnols et des Portugais. Il était fatal que les puissances du nord de l'Europe s'intéressent aussi en même temps et plus facilement, je dirais, à des pays qui étaient plus au nord. Il ne faut pas exagérer d'ailleurs la logique de ce partage parce que il faut bien se dire que le plus court chemin pour aller de Londres par exemple ou d'Amsterdam à la côte du Canada par exemple, n'est-ce pas, à l'embouchure de Saint-Laurent, passait pour les navires à voile très au sud de la ligne qui pourrait paraître la ligne la plus courte. Je ne parle pas naturellement de la ligne qu'empruntent les avions, qui est ce que l'on appelle la ligne orthodromique, qui suit l'arc de grand cercle, c'est-à-dire le chemin le plus court à la surface de la Terre. Mais même de ce qu'on appelle souvent la ligne loxodromique, c'est-à-dire la ligne qui suit les parallèles à l'équateur, qui semble sur les planisphères que nous avons la ligne la plus commode, eh bien, ça n'est pas possible de suivre cette ligne-là. Il faut descendre très bas pour éviter, comme beaucoup de gens le savent, tous les dangers que représente le nord de l'Atlantique, hein, et surtout pour des navires à voile, hein, les icebergs, les brumes, tout ce que vous pouvez imaginer et que vous connaissez bien. Par conséquent, il n'était pas beaucoup plus difficile d'aller de Lisbonne ou de Séville à l'embouchure du Saint-Laurent que d'y aller de l'Angleterre ou de Rouen ou du Havre. Dans la mesure où les Anglais et les Français sont arrivés après les Ibériques, ils ont pris, si je puis dire, ce qui restait. Et par conséquent, ils ont pris des territoires qui se trouvaient plus loin des tropiques que les Espagnols et les Portugais. Parce que plus c'était tropical, plus c'était équatorial, mieux ça valait dans l'esprit des gens de cette époque. Ce qui restait donc, c'est l'Amérique du Nord, c'est le Canada, et les produits qu'on va y développer, qu'on va venir y chercher, ce n'est pas le sucre, ce ne sont pas les métaux précieux, c'est le tabac, c'est la fourrure, c'est le poisson. Est-ce que cette expansion vers le nord de l'Atlantique, à partir du XVIIe siècle, va se faire de façon à compléter le réseau de communication qui déjà existe sur cet Atlantique plus au sud? Oui, il est certain que certains trafics vont s'établir qui finiront par créer une sorte de système atlantique. On a parlé, par exemple, de trafic triangulaire. Hein. Ces trafics triangulaires, souvent, on les voit entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique tropicale, disons. L'Europe envoyant en Afrique des produits manufacturés, des tissus surtout, ou de bibeloterie, des articles de petites quincailleries, de fausses bijouteries pour plaire aux populations noires, et prenant en échange des esclaves, les transportant ensuite en Amérique tropicale pour alimenter en main-d'œuvre les plantations et rapportant en Europe les produits de ces plantations. Mais il y a naturellement d'autres trafics triangulaires qui s'établissent et on pourrait multiplier les schémas. Le plus connu peut-être est celui que l'on voit, disons, se régulariser au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle entre l'Europe l'Amérique du Nord précisément et l'Amérique latine, l'Amérique espagnole et portugaise, c'est-à-dire par exemple les transports qui se font de l'Europe vers l'Amérique tropicale de produits manufacturés, de l'Amérique tropicale vers l'Amérique tempérée froide, de produits qu'on ne trouve pas dans l'Amérique tempérée froide, comme le sucre de canne, hein, et d'autres produits de ce genre, des produits tropicaux. Et puis, ces navires, ensuite, rapportent en Europe des produits nordiques qu'on ne trouve pas en Europe ou qui sont très chers en Europe, pas comme par exemple les fourrures. Cette expansion amorcée par les Ibériques et continuée par les autres nations européennes va créer un réseau dense de communication et de commerce dans l'Atlantique, un réseau où se superposeront, s'affronteront des empires commerciaux. Mais il y a plus. Se construit de cette manière un véritable système économique atlantique. Il y a certainement un système économique atlantique, et si on voulait faire un modèle de cette économie méditerranéenne atlantique, si je puis dire, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'économie de cette Méditerranée atlantique à l'époque que j'appellerais l'époque coloniale, l'époque du capitalisme commercial, l'époque de la marine à voile, l'époque du mercantilisme. Il y a un certain nombre de faits là qui sont tout à fait caractéristiques de ces trois siècles, hein. Eh bien, on pourrait effectivement bâtir ce modèle en montrant les différents courants, les différents flux, que ce soit les flux de marchandises, les flux d'hommes, les flux de matières grises aussi, et puis les flux d'argent, pas les flux de moyens de paiement, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais il faudrait tenir compte du fait que cette Méditerranée n'est pas complètement fermée, hein, qu'elle a des soupapes, qu'elle a des ouvertures vers le monde extérieur. Et que, par exemple, le métal précieux qui arrive en Espagne repart en grande partie non seulement de l'Espagne, mais de l'Europe, vers l'Asie, hein, par la Méditerranée traditionnelle, alors par la Méditerranée eurafricaine et par le Moyen-Orient. L'Asie qui est avide d'argent et d'or aussi, mais surtout d'argent. L'Asie est un continent où la première monnaie est l'argent. L'or joue un rôle qui n'est pas négligeable, contrairement à ce qu'on a pu dire quelquefois. Mais l'argent est très important. Et le fait que les Espagnols aient exploité l'argent en Amérique a une grosse importance pour justement l'ouverture de cette économie atlantique sur le reste de l'économie mondiale, du côté du Moyen-Orient et aussi du côté du Pacifique, avec cette fameuse institution du galion de Manille, qui faisait la traversée du Pacifique dans les deux sens, qui partait de Acapulco au Mexique et qui allait aux Philippines chercher les soies chinoises et les porcelaines chinoises et tous les produits de l'Extrême-Orient qui étaient payés avec de l'argent mexicain. Et ces produits ensuite revenaient par le Pacifique Nord jusque sur les côtes pacifiques de l'Amérique, le navire revenait à Acapulco. Hein. C'était évidemment un trafic où les risques étaient très gros, puisque Pierre Chaunu, mon collègue et ami historien, qui a fait une de ses thèses sur le Pacifique des Ibériques de cette époque, a calculé qu'un voyageur qui partait de Manille aux Philippines sur un de ses navires avait une chance sur deux seulement d'arriver vivant à Acapulco. Et une fois qu'il était à Acapulco, il pouvait encore être tué par les fièvres. Donc, c'était véritablement une aventure. Mais c'était quand même, disons, une ouverture sur d'autres mondes. Ce qui fait que finalement, cette économie atlantique dominait l'ensemble de l'économie mondiale. Naturellement, il y avait de vastes zones qui échappaient à son action. Mais peu à peu, l'ensemble des grands circuits ont été, si je puis dire, commandés, hein, dominés par l'économie atlantique et par ses prolongements extra-atlantiques. Commence donc à se former au XVIe siècle une économie atlantique caractérisée, une économie atlantique qui, comme nous l'expliquait le professeur Moreau, va dominer l'économie mondiale. Dans ce monde atlantique en formation, le Canada est un morceau, une portion de l'Amérique du Nord-Est, une unité économique qui va s'insérer avec un peu de retard et mal aisément dans cet univers atlantique. C'est un morceau d'Amérique qu'a étudié le professeur Denis Delage du collège Édouard Monty. J'ai étudié l'Amérique du Nord-Est. Je l'ai pris comme unité d'observation parce que je pense que c'est une unité économique, que ça en était une dès avant l'arrivée des Européens, parce qu'il y avait tout un réseau de communication et d'échanges entre les populations amérindiennes de l'Amérique du Nord-Est. On observe par exemple du wampum fait à partir de coquillages de la région de Long Island qui remonte la Thune, qu'on retrouve dans la région de Montréal, qu'on retrouve aussi dans les Grands Lacs. Et on retrouve de la céramique iroquoienne de la région de Montréal à la baie du Son. On sait que les Hurons faisaient du commerce dans l'ensemble de l'Amérique du Nord-Est avant l'arrivée des Amérindiens, qu'on trouve chez eux, outre certains produits qui venaient même du Mississippi et de la vallée du golfe du Mexique, on trouve des produits qui venaient d'à peu près partout en Amérique du Nord-Est. Ils étaient principalement des producteurs de blé d'Inde avec lesquels ils faisaient une farine qu'ils vendaient aux populations algonquiennes du Nord qui, en retour, leur donnaient des fourrures. Alors, d'une part, l'Amérique du Nord-Est était une entité économique. C'en est une quand arrivent des Européens, parce que l'Amérique du Nord-Est, ça se constitue d'abord autour des fourrures et des pêcheries. Et pour ce qui est des fourrures en particulier, les Hollandais et les Français se concurrencent et on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on regarde simplement ce qui se passe à l'intérieur d'un découpage politique artificiel, comme pouvait l'être la Nouvelle-Suède dans la Pennsylvanie actuelle, la Nouvelle-Hollande dans le New York et New Jersey actuels, ou la Nouvelle-France. Il y a rapidement un marché qui se constitue autour de la fourrure pour l'ensemble de ce territoire-là. Maintenant, l'ensemble de ce territoire-là ne peut pas se comprendre si on ne se situe pas dans un ensemble plus vaste. L'Amérique du Nord-Est, ça se situe dans l'Atlantique. L'Atlantique, c'est une économie qui s'est constituée à partir du 16e siècle. Les navires espagnols, d'abord portugais, ont sillonné cet océan. L'Espagne et le Portugal ont créé des colonies, on a exploité des mines, on a développé le commerce, et il s'est développé d'abord autour de l'Atlantique Sud une économie. Graduellement, d'abord des pêcheurs, puis des marchands ont commencé à s'intéresser à l'Atlantique Nord. Ça s'est fait dans un contexte où on avait de plus en plus de besoins de poissons en Europe, et où il devenait intéressant pour des pêcheurs de venir chercher le poisson du golfe et de la région de Terre-Neuve. Ça s'est fait aussi autour du commerce des fourrures. Fin 16e siècle et début du 17e siècle, les Hollandais contrôlaient tout le commerce des fourrures en Europe, c'est-à-dire un commerce qui se faisait essentiellement en Russie et à l'Est. Et les Français, les premiers, vont s'intéresser à ce commerce pour aller chercher une source de fourrure autre que celle déjà contrôlée par les Hollandais. Graduellement, les pêcheurs, les commerçants viennent et par conséquent, il y a des liens économiques, un tissu économique qui se développe entre l'Europe et l'Amérique du Nord-Est autour des poissons et autour de la pêche donc et autour du commerce des fourrures. L'Atlantique, c'est une des économies monde, comme pour prendre l'expression de Brodel. C'est une économie à côté de la Baltique, à côté de la Méditerranée, à côté de l'océan Indien et du Pacifique. On peut dire que l'ensemble de ces économies est polarisé par un centre qui est Amsterdam au fin 16e et au 17e siècle. On peut dire que l'ensemble des activités économiques mondiales se reflète toujours à la bourse d'Amsterdam. Et à la limite, on pourrait dire que quand on touche à la bourse d'Amsterdam, on a le rhume en Chine et on a une pneumonie en Amérique du Nord-Est. Thank you. C'est donc à l'intérieur d'une économie mondiale en train de prendre, une économie mondiale dominée par l'économie atlantique elle-même dominée par la Hollande et Amsterdam, que le Canada, comme portion de l'Amérique du Nord-Est, va prendre forme au début du XVIIe siècle. Nous disons prendre forme, mais c'est en fait inexact, car comme l'indiquait il y a un moment M. Delage, il existe déjà, bien avant l'arrivée des Européens, un système économique en Amérique du Nord-Est, un système économique amérindien. C'est une véritable socio-économie primitive, avec ses réseaux d'échange et ses institutions. Il faut voir l'Amérique comme un continent peuplé, comme un vieux continent, comme un vieux pays. Ça fait au moins 10 000 ans qu'il y a des Amérindiens en Amérique du Nord-Est. On sait que dans le Canada actuel, y compris le Groenland, il ne peut pas y avoir moins d'un million, un million et demi d'habitants avant l'arrivée des Européens. On sait que le sud de l'Ontario était densément peuplé, plus densément peuplé qu'il ne l'était en 1900. On sait que l'Amérique du Sud a mis à peu près 3 siècles à retrouver son niveau de peuplement d'avant la conquête, que le dépeuplement était de l'ordre de 10-12 à 1, c'est à peu près la même chose en Amérique du Nord. C'est-à-dire que la catastrophe démographique a été aussi épouvantable. Alors, quand arrivent les Européens au 17e siècle, il y a déjà pas mal de régions où la population a été réduite parce que les épidémies ont fait rage depuis le 16e siècle, à partir du Golfe, parce qu'il y a des contacts avec les pêcheurs dans le Golfe à partir du 16e siècle. Donc, l'Amérique dans son ensemble et l'Amérique du Nord-Est est un continent peuplé avec des sociétés qu'on peut regrouper principalement en 2 groupes. D'abord, les Algonquiens, qui regroupent l'ensemble des populations du nord du Canada actuel et de la côte atlantique, qui sont, pour ce qui est du Canada actuel, des chasseurs-cueilleurs, pour ce qui est de la côte atlantique, généralement déjà des horticulteurs. Et autour des lacs Huron, Erie et Ontario, le bloc iroquoien, qui devait aller chercher un bon 100 000 personnes, et qui était constitué d'horticulteurs, c'est-à-dire de populations où on vivait principalement de la culture du blé d'Inde, de la courge, de la fève ou du haricot, et où on vivait aussi, mais de façon plus accessoire, de la pêche et de la chasse. Est-ce qu'il y avait entre ces deux grands groupes, M. Delage, des relations économiques? Oui. Ça circule, on peut dire qu'en Amérique du Nord-Est, avant l'arrivée des Européens, on circule sur tout le territoire. Les principaux commerçants, la tribu qui est hégémonique, c'est la tribu des Hurons. Les Hurons font partie de la grande famille des Iroquois. Ils sont situés sur la baie Georgienne, sur la péninsule de Penetanguinechene. Ils sont entre, bon, selon les estimations, en disant 20 000, on est sûr de ne pas se tromper, peut-être un peu plus, peut-être même 30 000, mais d'après les archéologues, ça devrait être probablement plutôt autour de 20 000. Ce sont des horticulteurs et des commerçants qui, avec leurs canaux, sillonnent lacs et rivières et vont de Tadoussac au lac Huron, ou du lac Huron à la baie James, ou du lac Huron au lac supérieur au Michigan, et circulent dans l'ensemble des grands lacs. On s'échange principalement de la farine de blé d'Inde, dont les Hurons sont producteurs, contre des peaux du Nord, contre des coquillages ou du wampum venant de la côte atlantique. Il y a aussi des fourrures et du cuivre qui vient de l'Ouest. Et on sait que du sud, mais de façon plus ténue, là, il y a un certain nombre de produits comme des grosses courges qu'on utilise comme contenant, qu'on a retrouvé en archéologie. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que quand les Européens sont entrés dans le Golfe et qu'ils ont fait la traite des fourrures, ils se sont greffés à un réseau de commerce préexistant. Le principal point de rencontre était Tadoussac. La raison du choix de ce site est facile à comprendre. C'est un port de mer, les bateaux peuvent facilement y avoir accès, la navigation n'est pas compliquée. Et d'autre part, Tadoussac, c'est la limite extrême d'un des réseaux de commerce des Hurons. Les marchandises de traite passent par Tadoussac, de là remontent le Saguenay, le lac Saint-Jean, et par un réseau de lacs et de rivières passent à l'Outaouais, de là à la rivière des Français et au lac Huron. on trouve en 1580, c'est-à-dire bien avant l'implantation des Français, des produits européens en uranium. À peu près à la même époque aussi chez les Sénécas. Jusqu'à l'arrivée des Hollandais, pendant donc toute la fin du 16e siècle et jusque vers 1610 à peu près, toute l'Amérique du Nord-Est se polarise autour du commerce de marchandises de traite avec les Européens dans le Golfe. Et c'est dès cette époque-là que Huron et Iroquois vont se concurrencer pour l'accès aux marchandises de traite dans le Golfe. Même si une socio-économie bien instituée existait déjà en Amérique du Nord-Est avant l'arrivée des Européens, il faut aussi dire que l'arrivée des Européens marque évidemment un nouveau départ pour le Canada. Un départ qui déclenche toute une série de transformations, de vagues successives de développement économique à proportion que la pénétration dans le continent se fait plus profonde. Un nouveau départ qui lance le développement continental encore en train de s'accomplir. C'est l'évolution de cette socio-économie canadienne nouvelle, celle qui s'institue au XVIIe siècle à la croisée de l'économie atlantique et du système économique amérindien, que nous voudrons suivre à la trace. Cette archéologie des institutions économiques, à partir de données fragmentaires et d'éclairages partiels et contrastés, a donné lieu à des désaccords importants, à des controverses célèbres. On a pu dire que ce sont ni plus ni moins que des histoires économiques différentes qu'on a construit à partir de la même base documentaire, en triant, en choisissant ses faits et son angle de vision. Ces controverses, nous voudrons tout au long de cette série en faire un bon usage. Ce sera pour nous l'occasion de comparer les points de vue et de calibrer la robustesse des différentes explications. Mais ce sera aussi l'occasion de montrer qu'il s'est écrit des livres importants sur l'histoire économique du Canada, des livres qui ont lancé des hypothèses, des conjectures qu'on a souvent mis des années et des dizaines de livres à vérifier et à réfuter. Comme nous tenterons de le montrer, ces livres ont été importants par leur rôle de catalyseur de la recherche, et ce même quand il s'est avéré que, une décennie plus tard, plus rien de l'hypothèse originale ne semble avoir résisté à l'analyse ultérieure. Mais il n'y a pas seulement désaccord entre économistes et historiens sur des questions de détail dans la reconstruction rationnelle du passé économique. Le désaccord se fait jour même au niveau de la caractérisation la plus générale du processus de développement économique du Canada. Plusieurs grandes interprétations inspirent les travaux de détail. Pour fixer les idées, nous en avons retenu deux que contraste pour nous le professeur Alfred Dubuc. Il y aurait l'interprétation que j'appellerais optimiste. Le Canada est un pays prospère qui, depuis trois siècles, n'arrête pas de se développer. Il y a eu d'abord les fourrures en Nouvelle-France, en même temps qu'il y avait la morue dans les maritimes qui vivaient de la mer, le Québec et l'Ontario et l'Ouest bientôt, qui vivaient de l'exploitation des fourrures. À cette exploitation des fourrures a suivi immédiatement l'exploitation de la forêt. L'Angleterre avait besoin de bois, de bois d'œuvre, de matériaux de construction. Alors ça a été la grande exploitation de cette immense forêt de pins que l'on ne connaît plus dans l'Est du Canada, de bois carré, de bois non même pas scié, qu'on exportait vers l'Angleterre. Puis bientôt, ça a été, il a fallu rencontrer les besoins de l'économie américaine qui avait aussi besoin de bois de construction. Mais là, on a raffiné un peu, on a transformé davantage, ça a été le bois de sciage. Puis au moment où cette transformation se faisait, en même temps, l'exportation du blé se poursuivait. D'abord le blé du Québec, puis après la grande crise agricole du début du 19e siècle, ça a été le développement du blé en Ontario, puis après dans les prairies. Mais en même temps, dans l'Est, au moment où même le bois scié ne s'exportait plus vers les États-Unis, arrivait la nouvelle technologie des pâtes et papiers, et de nouveau reprenait l'exploitation forestière. Et lorsque nous arrivons avec le 20e siècle, c'est la grande période du blé, la grande période des pâtes et papiers dans l'Est, et bientôt, avec les années 20 et 30, et 40 et 50 du 20e siècle, la grande exploitation des autres ressources naturelles, les ressources minières, du nord de chacune des provinces, puis bientôt le pétrole, et lié à cette exploitation de nos ressources pour l'exportation, alors le gros investissement dans les moyens de transport, les canaux, le chemin de fer, encore les canaux, parce qu'on a refait trois fois au Canada, au moins trois fois, le Saint-Laurent, les canaux constamment, les chemins de fer, et maintenant, avec la crise de l'énergie, le pipeline et l'oléoduc et le gazoduc pour transporter les ressources du Grand Nord, de l'Alaska, par la vallée du Mackenzie, vers les États-Unis. Et accès à tout cela, l'arrivée des capitaux étrangers, au 19e siècle, les capitaux anglais, au 20e siècle, les capitaux américains, les Canadiens, lorsqu'ils manquent de capitaux, immédiatement les étrangers viennent les aider, c'est toujours la prospérité. Voilà ce que j'appelle l'interprétation optimiste du Canada. C'est l'interprétation des pères de la Confédération. C'est l'interprétation de la politique nationale, c'est l'interprétation économique qui fonde les politiques d'unité nationale, etc. Le Canada, c'est un grand pays prospère, les Canadiens sont riches, etc. À cette interprétation que j'appelle optimiste, il y a une interprétation que j'appellerais réaliste, beaucoup plus fondée sur la réalité concrète du développement historique. C'est que lorsque on change de produit d'exportation, lorsque on passe des fourrures à la forêt, lorsque, à même l'exploitation forestière, on passe du bois carré au bois scié, lorsque l'on passe du bois scié au pâte et papier, lorsque, en agriculture, on passe du Québec à l'Ontario, puis aux prairies, lorsque dans les maritimes, on passe de la grande économie atlantique axée sur le grand triangle Amérique, Europe et le nord de l'Atlantique, à chaque fois, il y a des régions qui entrent dans un processus de sous-développement. Lorsque les forêts sont épuisées au Québec, il n'y a plus de forêts. Lorsque le blé est épuisé au Québec et que l'on passe à l'Ontario, il n'y a plus de blé au Québec. Lorsque le blé passe de l'Ontario aux prairies, il n'y a plus de blé en Ontario, ou beaucoup moins. À chaque fois, il y a un processus cumulatif de sous-développement qui fait que le Canada, ce n'est pas une réalité. La réalité, ce sont des régions au Canada. Des régions qui se développent parfois les unes avec les autres, le plus souvent les unes au détriment des autres. Parce que la richesse accumulée dans une région pendant une période, eh bien, c'est la richesse qui va servir au développement d'une autre région. Et le système bancaire canadien, notre système bancaire dont les Canadiens sont souvent tellement fiers à cause de sa centralisation, notre système bancaire canadien est lié à ce mode de développement. Notre système bancaire canadien accumule les richesses d'une région lorsqu'elle se produit et peu à peu oriente cette richesse vers l'autre région qui bientôt va se développer. Et c'est ainsi, par exemple, que non seulement l'épargne des maritimes va être vidée par le système bancaire canadien au profit des prairies ou au profit de l'Ontario, mais même le système bancaire des maritimes lui-même va être détruit. Les maritimes avaient développé un système bancaire analogue au système bancaire américain, c'est-à-dire la petite banque locale, qui accumule l'épargne locale pour le développement régional, ce mode bancaire va être complètement détruit avec la Confédération et avec le système bancaire unifié du Canada. Ça, c'est la vision que j'appelle réaliste. Je l'appelle réaliste, je ne veux pas l'appeler optimiste. Je l'appelle réaliste parce qu'elle est beaucoup plus conforme à la réalité historique. Le Canada, c'est un ensemble de régions, ce n'est pas un pays. Thank you. Après ce tour d'horizon préliminaire qui, nous l'espérons, a révélé l'ampleur de l'entreprise, reste à savoir comment nous allons procéder pour mettre de l'ordre dans cette expérience de la socio-économie canadienne sur 3 siècles. Nous allons d'abord tenter de garder en tête à tout moment que la trame des socio-économies concrètes est faite d'un tissage de forces entremêlées, forces démographiques, forces moulant l'organisation de la production et de l'échange, forces financières, forces enfin émanant des groupes sociaux à motivation diverse, en plus évidemment aussi des impacts de l'action gouvernementale et étatique. C'est donc en cherchant à sonder ces diverses forces continuellement en processus d'intercréation, si l'on peut dire, que nous pourrons comprendre comment les hommes en sont arrivés à mettre en place des institutions, puis ensuite à vouloir en changer, à mesure que les conditions du milieu, ou leurs goûts, ou leurs valeurs, ou leurs plans, se sont modifiées. Ensuite, nous ferons, comme nous le mentionnions plus haut, un bon usage des controverses pour décanter ce qui est l'acquis de ce qui est encore sujet à caution. Nous verrons que l'acquis est mince et que les controverses sont partout. Est-ce qu'il y a eu vraiment une bourgeoisie en Nouvelle-France? Est-ce qu'il y a eu ou non crise agricole dans le Bas-Canada au tournant du 19e siècle? Est-ce que le manque de capital a retardé le développement économique du Canada au 19e siècle? Est-ce que le capital financier a retardé l'industrialisation au 19e? Est-ce que l'économie du blé a vraiment dynamisé l'économie canadienne au début du 20e siècle? Et ce n'est là qu'un mince échantillon de ces controverses qui font encore rage et qu'il faudra essayer de démêler. Mais l'étude de ces mini-controverses ne devra pas nous faire oublier que nous ambitionnons de donner une image panoramique du développement économique du Canada. Pour guider notre enquête, nous avons adopté un schéma d'interprétation que nous avons développé dans certains travaux avec le professeur Wallot, que nous entendions en début d'émission. Il s'agit d'un schéma qui tente de faire une lecture à la fois horizontale dans l'espace des différences régionales si importantes, comme le disait le professeur Dubuc, mais aussi une lecture verticale dans le temps des différentes époques. Il s'agit donc d'un schéma qui départage l'expérience de la socio-économie canadienne en morceaux régionaux, mais aussi en 5 grandes périodes découpées par 4 grandes discontinuités. Première discontinuité autour de 1700. Et avec elle, passage de la Nouvelle-France d'un statut de comptoir commercial à peine agrippé au continent à celui d'une colonie proprement dite, une colonie à 2 versants, un versant commercial lié au système atlantique, un versant agricole replié dans l'arrière-pays. Seconde discontinuité autour de 1800, alors que cette socio-économie à 2 versants se transforme et se modernise pour commencer d'acquérir les caractéristiques d'une économie de capitalisme commercial. Troisième discontinuité, autour de 1870, et avec elle le passage d'une économie de capitalisme commercial à une économie qui devient fermement industrialisée avec toutes les conséquences que cela entraîne, urbanisation, prolétarisation, syndicalisation, etc. Quatrième discontinuité enfin, autour des années 1960. Discontinuité plus controversée, encore chaude si l'on peut dire, mais discontinuité qui démarque le passage d'une économie industrielle fondée sur la production de biens matériels à une économie des services et de l'information, une économie post-industrielle, diraient certains, encore que l'expression, comme on le verra, n'est pas heureuse. C'est autour de ces 4 grandes discontinuités que nous allons tenter d'articuler toute l'histoire du développement économique du Canada, un peu comme l'épine dorsale sur laquelle nous voudrons greffer des détails d'une expérience bariolée, diverse, pleine de délais, d'accélération, de bizarreries, et qui va créer la socio-économie canadienne d'aujourd'hui par une série de couches superposées d'institutions toujours nouvelles. Cette économie canadienne d'aujourd'hui, petite, ouverte, dépendante et balkanisée. La semaine prochaine, nous amorcerons cette enquête en examinant les commencements de l'économie de la Nouvelle-France au début du 17e siècle. Personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada,